J'entends papa crier, maman pleurer. Putain, qu'est-ce qui ne va pas? À la maison, il y avait toute la mifa. J'ai demandé pourquoi tu n'étais pas là. Ton frère a rendu l'âme. Pourquoi tu m'as pas amené avec toi? Aucune larme ne coule au milieu de la foule. J'étais tout chamboulé, écroulé. T'étais jeune, l'avenir devant. Pas possible, la fauche s'est trompée. Elle t'a condamné, elle a emmené le mauvais damné. Je lui ferai payer, j'en veux à ces médecins qui n'ont rien pu faire. À ce tracteur sans mi-père qui a servi d'intermédiaire. Je réserve le même salaire qu'il pourrit sans milieu cellulaire. À cause de, je vis un calvaire, un enfer. J'ai perdu un être cher, j'en veux à la terre entière. J'aurai jamais mes vacances, avec toi je n'aurai jamais cette chance. Quand tu nous as quittés, j'étais hors de moi. J'ai perdu une partie de moi. Aujourd'hui j'ai grandi loin de toi. J'espère que tu seras fier de moi. Je te fais une dédicace avec mon flow. Je reprends l'entreprise familiale, frérot. Tu seras toujours mon héros. Tu étais mon exemple et je continue à te contempler. Ton message est le mien et je le ferai passer. J'avance, c'est avec toi que je me remplirai la panse. Je pense tu partiras pas tant tu seras en moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Non, tu n'es pas parti. Je suis rempli d'émotions en écoutant cette mélodie. Elle est la tristesse de notre séparation, mais quelque part on est toujours liés. J'ai pas les genoux pliés, je t'ai pas oublié. Ton absence est pardonnée. Dans mon cœur, tu seras toujours gravé, toujours gravé dans ma mémoire, dans l'espoir de te revoir. Ici les choses n'ont pas changé. Mon parcours c'est à tes côtés qu'il sera tracé. Toujours au paix malgré le malheur qui nous a frappé. Je laisse pas tomber. Ici le rap perdure, mais y'a autant d'ordures. Le système nous torture dur. D'être un blédard de sang pur, mais fier d'être ton frère rappé. Même passion, même rêve. Je suis tes traces jusqu'à que la mort m'enlève. T'inquiète, la daronne va bien. Pareil pour les cousins. Et toi, j'espère que tu te plais là où tu es. Nous on pense à toi, chaque jour qui passe. Jamais on ne se lasse, je perds pas mon audace. Toujours à tenter des choses risquées, comme le rap où tu m'as plongé. Aujourd'hui je me suis forgé ma propre identité. Je me suis entouré de potes qui ne vont pas me lâcher. J'espère que tu recevras mon message de l'au-delà. On t'oublie pas.